Et pendant le temps de la conférence, d'essayer de quitter un peu l'esprit des fêtes. Même si l'égrégore collectif planétaire tend à essayer de nous y assujettir, et on pourra s'y connecter après, si bon nous semble. L'homme peut arriver à avoir du plaisir sans nécessairement être assujetti à un égrégore collectif qui lui commande quand il doit avoir du plaisir et quand il doit ne pas avoir de plaisir. Lorsque l'homme devient stressé et nerveux parce qu'il se doit de se préparer à du plaisir, c'est un être qui a une tendance innée à vouloir se déconnecter de ce plaisir commandé. Et la partie de son ego qui veut se déconnecter est celle qui va souffrir la préparation vers ce plaisir, tandis que la partie de l'ego qui reste assujettie attend avec espoir ce plaisir. Et la majorité des personnes sont obligées de saouler la partie qui refuse le plaisir pour pouvoir se donner l'impression du plaisir. Aujourd'hui, nous allons aborder plusieurs sujets. Nous allons aborder le travail de l'homme à l'échelle de la planète. Et je vais essayer de faire en sorte qu'énergétiquement, vous puissiez assimiler le fait qu'à un moment donné, certains êtres humains se doivent d'être ceux-là. Qu'à un moment donné, certains êtres humains se doivent d'être ceux qui seront les précurseurs de quelque chose de neuf. Et l'homme collectif, l'homme ancien, n'arrive pas à intégrer le fait qu'à un moment donné, ce peut être lui. Parce que lui le déconnecte de la conscience collective, alors que dans la majorité de son essence, il est collectif. Si parmi une population, je dis « toi, tu es celui qui pourra diriger », la personne, malgré son orgueil, va se poser la question « pourquoi moi ?» Et si je dis « toi, tu peux diriger à une personne qui n'est pas collective », il va dire « OK ». Lorsque, diplomatiquement, nous disons que le Québec est une terre privilégiée, déjà là, l'esprit du Québec se le refuse, malgré l'orgueil qui aurait tendance à accepter, même s'il ne comprend pas, parce qu'il se désassujettit de la collectivité planétaire. Mais aujourd'hui, on doit aller plus loin que le simple fait de dire que le Québec est une terre privilégiée. Je parle du Québec ésotérique et non pas du Québec délimité par les contingences politiques. Ce n'est plus seulement le Québec qui est une terre privilégiée, il se trouve qu'il y a des êtres humains sur cette terre qui sont des êtres humains nouveaux. S'ils ne peuvent pas encore affirmer leur être, leur esprit, disons, ou leur conscience nouvelle, ce sont des êtres transitifs qui vont aboutir prochainement à cet état de fait. Lorsque l'ego résiste, lorsque l'ego oppose une résistance, il y a souffrance, il y a incompréhension, et il y a un mécanisme percuteur qui tend à faire en sorte que les énergies de vidange de l'ego vont s'exprimer par l'intermédiaire de pathologies dans le corps physique. J'ai expliqué lors de la dernière conférence du vendredi, très brièvement, et je vais élaborer ça aujourd'hui, que lorsqu'une personne commence à comprendre la conscientisation, que lorsqu'une personne découvre les mécanismes de manipulation, que lorsqu'une personne travaille sur un chemin apparemment de libération, elle commence par découvrir ce qui est le moins subtil. Elle commence par s'attaquer à ce qui est le plus facile. Elle n'a pas l'énergie de connaître les choses subtiles, les choses cachées, les choses très hypocrites, des formes de manipulation astrale. Elle ne peut découvrir que ce que l'astral va lui permettre de découvrir. Et alors la personne va tenter de se libérer de ces mécanismes faciles. Elle va lutter 1 mois, 6 mois, 1 an. Et cette lutte, elle va appeler ça dure, difficile. Et lorsqu'elle va apparemment vaincre, elle va être convaincue qu'elle est dans cette nouvelle conscience. C'est une conscience qu'on lui permet d'être. Lorsque cette personne arrive finalement, malgré tout, parce que l'astral se trompe lui-même, à se libérer des mécanismes des hautes sphères spirituelles, il arrive à entrer en contact avec cette conscience nouvelle, ce premier palier de la trilogie de conscience extraterrestre, l'énergie supramentale. Cette énergie, par l'intermédiaire de l'ajusteur de pensée, va instruire l'énergie mentale de l'homme de façon à ce que celui-ci, par l'intermédiaire de l'ajusteur psychologique, ce que vous appelez aussi l'intellect, puisse travailler sur l'ego. Et ce mécanisme qui a été enseigné au Québec depuis 1967 est un mécanisme qui ne peut faire en sorte que seuls les privilégiés puissent arriver à cette conscience supramentale en passant par un chemin sinueux, souffrant et maladif. Autrement dit, ce processus s'adresse à une élite. Et étant donné que l'élite s'ignore elle-même, on ne peut pas aller la chercher et dire « toi, tu es de cette élite », alors automatiquement, on doit le dire, en parler en public. Et la lacune de ce mécanisme, c'est que certaines personnes qui ne font pas partie de l'élite se voit et se croit concerné par ce travail. Lorsqu'une personne détruit les premiers paliers de sa propre spiritualité, lorsqu'une personne se désassujettit de la conscience spirituelle religieuse, lorsqu'une personne se désassujettit des consciences collectives morales, elle ne se désassujettit pas de la conscience satanique, de la conscience luciférienne, ou des consciences bassement matérielles, ce que l'antique homme appelait péché. Et parce que l'on comprend les mécanismes de la manipulation d'un prêtre ou d'un dieu, on s'évertue à les détruire, et on oublie complètement les mécanismes de manipulation de Satan ou des énergies plus basses de son propre ego. Il faut que vous compreniez aujourd'hui clairement que l'énergie supramentale peut instruire l'énergie mentale qu'à la seule condition que l'énergie mentale soit dans un degré vibratoire suffisamment haut pour pouvoir entrer en contact avec l'énergie supramentale. Et que lorsque l'intellect, le mental naissant ou l'ajusteur psychologique essaie d'entrer en contact avec l'énergie supramentale, cela ne fonctionne pas. Il peut se permettre, il peut se payer le luxe, d'entrer en contact avec l'énergie supramentale mémorisée dans l'astral, ce qui est un bien pour un mal et un mal pour un bien. Lorsque l'énergie de l'astral est suffisamment énergisée par son propre plan spirituel, il peut entrer en contact correct, direct, plein, avec l'énergie mentale. Lorsque l'homme est complet dans son inharmonie, l'énergie supramentale ajustée instruit le mental qui ajusté instruit l'ego. Et automatiquement, les effets s'en font sentir dans le plan vital et dans le plan physique. Mais lorsque l'homme qui croit se conscientiser commence par démolir les premiers paliers, les paliers les plus hauts de sa spiritualité égoïque, il coupe le lien entre le mental et les parties inférieures de son ego. Ce qu'il y a de mauvais en vous ne peut pas entrer en contact avec votre mental, sauf s'il y a un médium qui va être les parties bonnes de la spiritualité et de la morale dans l'ego. Alors, lorsque l'homme se conscientise et qu'il commence par démolir ce qui lui permettait d'être en contact avec les parties basses chez lui, il se crée un problème d'ordre initiatique qui aurait une tendance chez les personnes prêtes, disons chez l'élite, à les propulser vers une conscience supramentale à travers un cadre de souffrance. Lorsqu'à un moment donné, lorsque vous étiez jeune de cette nouvelle conscience, lorsque quelque chose se passait chez vous, lorsque vous étiez en colère, vous aviez l'apanage de pouvoir vous observer, de comprendre ce qui vous mettait en colère. Tandis que l'homme qui se conscientise de cette nouvelle façon, lorsqu'il est en colère, il s'auto-observe et ne voit pas la cause de sa colère. Il ne peut plus la voir parce que seul le mental a la possibilité d'observer. Et le mental pouvait observer l'ego bas parce qu'il était en contact avec l'ego haut. Et lorsque l'homme qui se conscientise détruit son ego haut, le mental n'a plus la possibilité de connaître ce qu'il y a de bas chez l'homme. Alors, à un moment donné, l'homme poursuit sa conscientisation. Mais l'énergie supramentale ne peut plus communiquer avec ce qu'il y a de bas chez lui, avec ce qu'il y a de matériel dans son esprit égoïque, parce que la haute spiritualité, parce que le Dieu astral chez l'homme a été balayé, tandis que les forces sataniques chez l'homme n'ont pas été touchées. Lentement, la personne poursuit sa conscientisation et elle se fait manipuler, elle se fait charrier. On a des preuves ici au Québec et on en a eu dans le passé. On a eu Sri Aurobindo, on a eu Krishnamurti, on a eu d'autres personnes très connues au Québec et d'autres un peu moins connues, qui ont cette nouvelle conscience et qui sont malades physiquement. Ils se font charrier par le plan vital et physique, même s'ils ne peuvent plus être colorés dans leur mental par leur phénomène astral. Ils poursuivent leur évolution, tandis que le bas égo lutte pour sa survie. Et l'on sait que le plan astral a la possibilité et le privilège chez l'homme ancien de pouvoir s'exprimer par l'intermédiaire du système endocrinien dans l'énergie vitale et dans l'énergie physique de l'homme. Lorsque la haute sphère spirituelle qui servait de tampon, qui empêchait les énergies basses de l'homme de pouvoir s'exprimer de façon à démolir l'homme, sont détruites par la conscientisation supramentale, elles restent à eux autres mêmes et elles peuvent s'exprimer dans le corps physique par différentes maladies. Lorsque nous disions que des symptômes coronariens, des maux de tête bizarres, des bourdonnements d'oreilles, des stress au niveau musculaire et d'autres expressions de l'évolution énergétique supramentale étaient normales. Elles sont normales, mais elles ne sont pas souhaitables. La personne qui vit ce genre de choses va continuer à y vivre un laps de temps. Et à un moment donné, cela va disparaître. Je disais dernièrement que l'homme ne peut plus évoluer, que l'homme doit faire un contact. C'est-à-dire que lorsque votre énergie mentale est suffisamment involuée, elle peut s'énergiser. On appelle cela l'évolution. Lorsqu'elle est suffisamment énergisée, qu'elle ne peut plus entretenir d'autres formes d'énergie, elle ne peut plus évoluer. Alors, automatiquement, elle doit entrer en contact avec une nouvelle forme d'énergie. Et l'évolution, dans ce cadre énergétique nouveau, pourra se poursuivre. Chez l'ego, dans l'astral humain, le problème, c'est qu'il se réfère à ses mémoires. Lorsque l'ego n'a plus d'évolution à faire, il poursuit l'idée qu'il doit faire une évolution. Votre évolution psychologique est terminée. Une évolution mentale est en cours et c'est sur cette évolution que vous devez travailler. Et lorsque l'évolution mentale est terminée, il y a le contact supramental. L'homme essaie continuellement, lorsque son évolution psychologique est terminée, de prendre ce qu'il y a de bas chez lui pour l'amener dans la partie haute de sa sphère spirituelle. Autrement dit, l'homme qui découvre la paix essaie de transformer la haine chez lui en paix. Lorsque l'homme découvre la jalousie, il essaie de la transformer dans une autre forme d'émotion qui pourrait être exprimée par ses hautes sphères spirituelles. Et cela est une erreur. Lorsque l'homme découvre la paix et que l'homme connaît la haine, ce cheminement évolutif psychologique est terminé. Lorsque vous connaissez le bien et le mal, le haut et le bas, le long et le court dans votre psychologie, l'évolution de la psychologie est terminée. On peut ajuster des choses, on ne peut plus évoluer psychologiquement. À ce stade, toute forme de spiritualité est inutile, parce que la spiritualité, les religions, les sectes, les écoles traditionnelles, la morale, la société sont là pour permettre à l'homme une évolution spirituelle, une évolution astrale, une évolution au niveau de l'ego, pour permettre à l'homme de connaître et la paix et la guerre. Connaître les deux polarités du plan astral. On ne peut pas prendre le plan astral duel de par sa propre définition et en faire un plan unitaire. On ne peut pas prendre un plan qui existe que par le fait qu'il exprime la colère et la paix et le transformer en une expression unitaire de paix. On le tue, on le détruit. Cela ne peut pas être fait au niveau du plan psychologique. Votre évolution psychologique est terminée. Et chaque fois que vous allez prendre un plan bas de votre être-té égoïque et que vous allez l'amener à un plan hautement spirituel, observez ce qui se passe. Il y aura toujours un plan hautement spirituel qui va perdre du terrain pour revenir bas. Vous allez avancer dans votre pacification de colère et vous allez être plus stressé. Vous allez avancer dans votre perception d'un Dieu. Et vous allez avoir peur qu'à un moment donné, les autres ne vous suivent pas. La confiance en Dieu élimine la confiance en l'homme. La confiance en l'homme élimine la confiance en Dieu. On ne peut pas, dans le plan psychologique, arriver à faire en sorte que toutes les énergies de ce plan astral puissent être exprimées par une seule facette, celle de la haute sphère spirituelle. Cela est totalement impossible. Là où il y a Dieu, il y a Satan. Là où il y a le bien, il y a le mal dans la psychologie de l'homme. Et si à un moment donné, on se libère du concept de Dieu, sachez que ce Dieu existe encore à l'extérieur de vous, dans d'autres phénomènes matériels qui conservent ces concepts. Ils existent dans d'autres personnes. Et ce n'est pas parce que vous vous libérez du concept de Dieu que les armées humaines de Dieu ne pourront plus vous toucher. Dernièrement, je faisais faire une expérience à une personne et je lui disais, cette personne n'avait pas peur, d'après elle. Et lorsqu'elle me disait, je n'ai pas peur, je percevais la peur. Alors je lui dis, on va aller se promener ensemble et je vais te faire voir le diable. Ça ne me dérange pas, moi je n'ai pas peur, je ne crois pas à ça. Lorsqu'une auto fonce sur vous et que vous ne la voyez pas, si moi je vous dis, il y a une automobile qui te rentre dedans par en arrière, et toi tu me réponds, oh, je n'ai pas peur, je ne crois pas. Tu vas mourir, sans peur et sans croyance, mais tu vas mourir. Ce n'est pas parce qu'à un moment donné, l'homme élimine une croyance qu'il élimine un phénomène. Et dans la conscientisation de la majorité de nos Québécois, ils croient encore que lorsqu'ils éliminent une croyance, ils éliminent un phénomène. Lorsque vous vous êtes attaqué aux hautes sphères de votre spiritualité, celle qui était la plus facile à entrevoir, celle qui était la plus facile à détruire, vous avez démoli le mécanisme qui permettait à l'ajusteur de pensée de pouvoir instruire l'ego. Chaque fois que nous avons parlé de ce mécanisme de haute manipulation, nous avons toujours insisté sur le point que vous ne deviez pas attaquer les religions, que vous ne deviez pas en parler à une personne qui croyait. Parce que ce mécanisme spirituel est utile, si vous préférez, Dieu est utile pour l'homme. Nous devons nous servir de Dieu pour pouvoir détruire le diable. Ce sont des formes de manipulation similaires. L'une d'elles est plus facilement pacifiable, plus facilement raisonnable, et elle a moins d'ego. Celle de nos hautes sphères spirituelles. Cette partie de notre spiritualité planétaire peut comprendre qu'il puisse exister des énergies supérieures à elle. Même ce Dieu dans le ciel, ou ce Dieu astral créé par l'homme, est capable d'accepter qu'il existe d'autres sphères supérieures. Tandis que les parties basses de l'homme, ce que dans l'ancienne religion on appelait Satan, ces parties ne peuvent pas comprendre qu'il peut exister quelque chose de supérieur. Le seul moyen de contrôler Satan, c'est Dieu qui l'a entre ses mains. L'homme étant supérieur à Dieu, il doit se servir de cet outil. La forme, c'est important. Lorsque l'homme détruit la forme qui l'assujettissait aux hautes sphères de sa propre psychologie, il détruit aussi le moyen qu'il avait de connaître les basses sphères de sa psychologie. Vous comprenez les mécanismes de manipulation. Vous comprenez tout ce qui se passe. Vous vous asseyez dans une conférence, vous écoutez le conférencier et vous n'entendez pas. Vous êtes faible, fatigué, malade. Vous reposez des 12 heures de fil. Vous vous levez fatigué. Vous vous recouchez 2 heures. Vous vous levez en pleine forme. 3 heures après, claqué. Vous êtes en santé. Subitement, vous êtes malade. Vous revenez en santé, vous revenez malade. Vous changez d'alimentation, vous êtes plus malade. Vous revenez vers les cochonneries, vous êtes en santé. Les parties inférieures de votre propre ego résistent. Et vous ne pouvez plus travailler avec elles parce que vous ne les connaissez plus pour la simple raison que vous avez détruit le mécanisme qui vous permettait d'entrer en relation avec elles. Vous avez détruit la spiritualité chez vous. Si vous comprenez l'utilité de la forme, vous ne détruirez plus la forme, vous allez vous servir de la forme. Certaines personnes me disent que de temps en temps, je prononce le mot Dieu, je prononce le mot ciel, et je ne devrais peut-être plus employer ce genre de mots. Elles me disent ça avec dédain. Je devrais employer d'autres mots parce que leur propre psychologie apparemment libérée n'est pas capable d'entendre ces mots. Ils sont plus faibles que les chrétiens. Lorsque nous employons une forme, c'est pour permettre d'instruire quelque chose qui reste assujetti à cette forme. On n'attire pas des abeilles avec du vinaigre. On ne peut non plus contrôler les parties qui nous manipulent avec autre chose que ce qui permet leur manipulation. Cela veut dire que lorsqu'une personne prend un crucifix et qu'elle le brise, elle nourrit Satan. Qu'elle soit conscientisée apparemment ou non, elle nourrit Satan, c'est-à-dire qu'elle nourrit les forces de l'astral de la chrétienté qui lutte contre la haute sphère de la chrétienté, qui lutte contre ce que l'homme appelle Dieu. La dualité existe dans le plan de la psychologie, la dualité existe dans le plan de l'astral. Et qu'est-ce que l'astral? C'est le plan de la dualité. On démolit une partie, on nourrit l'autre. Et dans une partie évoluée, à un moment donné, si on la nourrit trop, une de ces parties deviendra évoluée. Alors, lorsque l'homme travaille sur lui, que lorsque l'homme comprend qu'il a été manipulé par des mécanismes religieux, il oublie tant et donc le nombre de mécanismes qui le manipulent toujours, avec lesquels il a plus de difficultés à travailler et à vivre. Et lorsqu'il va couper les contacts qui tentaient de freiner l'expression de ces mécanismes peuvent s'exprimer librement, charrier et manipuler celui qui se conscientise. Alors, encore une fois, on vient apposer un sceau de vérité apparente sur le fait que par la souffrance, l'homme apprend. Vous allez devoir, à un moment donné, cesser de souffrir. La souffrance, non seulement consume ce qui vous fait souffrir, mais la consommation crée une énergie qui va nourrir les mécanismes qui tendent à faire souffrir l'homme. Chaque fois que vous souffrez, vous travaillez pour et contre vous. Au niveau du PMC, on a deux options qui vont être offertes à ceux qui font le cours. Une option qui est une initiation rapide ou instantanée vers le contact supramental, et une option qui va être un cheminement sécuritaire, plus long, plus doux vers ce contact. Deux options, et parmi ces deux options, vous n'aurez pas le choix de choisir laquelle des deux vous allez prendre. Lorsque l'énergie mentale est insuffisamment puissante chez un être humain, sachez que seule l'énergie mentale a le droit intelligent d'entrer en relation avec un événement planétaire. Seule l'énergie mentale de l'homme peut intégrer un événement planétaire. N'importe quel événement qui vous arrive en est un. Et seule l'énergie mentale peut l'intégrer. Lorsque l'énergie mentale est insuffisamment développée chez un être humain, cette intégration ne se fait pas. Elle se doit d'être faite par l'ego. Et lorsque l'ego intègre un événement, il est obligé de le digérer, c'est-à-dire d'en détruire les parties qu'il ne peut digérer, qu'il ne peut intégrer, qu'il ne peut assimiler. Et ce que de l'événement l'ego va retenir, il va l'appeler réalité. Tout ce que l'ego conçoit comme réalité est une digestion où il a éliminé de cette réalité les parties trop mentales que lui ne pouvait pas intégrer. Ce mécanisme crée les fausses émotions. Ce mécanisme fait en sorte que l'homme va devenir colérique. Ce mécanisme crée la jalousie, le bonheur, le malheur, parce que l'âme, l'ego, ne doit pas connaître ce genre de mécanisme. Il y a dans l'astral de l'homme une seule émotion qui va rester même chez l'homme nouveau, une émotion qui permet à l'homme d'apprécier les choses, une émotion qui permet à l'homme d'apprécier vibratoirement, sans coloration d'aucune sorte, l'énergie de personnalité d'une chose créée. Autrement dit, dans un langage inapproprié beaucoup plus bas, l'homme va être capable de trouver les choses belles parce que toutes les choses sont belles. Et je dis bien dans un langage inapproprié et plus bas. Tout le reste des émotions que l'ego transmet est une intégration que ce pauvre petit ego essaie de faire des mécanismes qu'il perçoit lorsqu'il vit un événement, parce que l'énergie mentale de l'homme est insuffisamment puissant à intégrer. Lorsque mon mental intègre un événement, tout ce qui doit s'en aller vers l'ego s'en va vers l'ego. L'ego n'a pas d'instruction, l'ego n'a pas de gonflement d'orgueil, l'ego n'a même pas d'expérience. C'est le mental qui a vécu l'expérience, et le mental l'intègre comme cela se doit. Je ne vis plus d'émotions comme l'homme en vit. Et l'homme ancien égoïque qui intègre les événements parce qu'il l'interdit au mental va dire « il est un robot ». Et c'est comme je disais dernièrement, si je suis un robot, je suis un robot qui est capable d'aimer même ce que vous haïssez et qui n'est pas troublé lorsqu'on démolit ce que j'aime. Tandis que vous, vous aimez et vous haïssez et vous êtes perturbé lorsqu'on démolit ce que vous aimez. Parce que votre ego ne peut pas intégrer l'événement. L'événement ne doit être intégré que par l'énergie mentale. Lorsque l'homme intègre des événements, mentalement, il a la faculté d'instruire son ego. Et c'est ce travail d'instruction que l'homme nouveau doit faire. Vous devez vous instruire. Il y a une partie chez vous qui dit « j'intègre ». Il y a une partie maudite qui dit « je suis, je pense ». Et cette partie ne pense que par ce qu'elle a en mémoire. Cette partie, c'est votre ego, c'est vous. Cette partie ne peut penser qu'à partir de ce qu'elle a en mémoire. Cela veut dire qu'il est important chez vous d'instruire l'ego, de donner de l'information à l'ego afin que celui-ci arrive à penser comme vous voulez qu'il pense. Lorsque l'ego arrive à penser que l'énergie mentale est peut-être plus puissante, que l'énergie supramentale a peut-être cette faculté de savoir sans expérimenter, il se tait et il accepte. L'ego qui va se taire et accepter sera la partie égoïque hautement spirituelle chez vous, celle qui a encore la faculté d'aimer et d'haïr. Et celui-ci aura comme fonction, et il l'a toujours eu et il l'a toujours fait, d'instruire les parties basses de votre ego, ce que le mental ne peut pas faire. Lorsque les énergies sataniques de l'homme, lorsque les énergies matérielles de l'ego sont au courant de ce qui se passe en haut, ils vont lutter. Et automatiquement, l'énergie supramentale pourra commencer par détruire l'enfer de l'homme avant de détruire le ciel de l'homme. Lorsque le Nazaréen a pris le corps d'un enfant à 12 ans, lorsqu'il a été crucifié, il a été obligé de descendre aux enfers parce que ce corps n'était pas le sien. Et certaines impuretés vibraient encore à l'intérieur. De ce fait, il ne pouvait se libérer totalement de cette mémoire empruntée que s'il allait au fin fond de cette mémoire infernale pour la détruire. Et suite à cela, il a été libéré. Vous évoluez, vous vous conscientisez et vous travaillez continuellement sur ce qu'il y a de facile chez vous sur le plan spirituel. Il y a des mécanismes qui charrient l'homme et qui manipulent l'homme et ces mécanismes ne sont pas toujours ce que l'homme nouveau appelle Dieu. Et parce qu'à un moment donné, on se libère du concept de Dieu, on croit automatiquement être libéré du concept de Satan. J'emploie le mot Satan. Ça désigne tout ce qu'il y a de bas chez vous. Et tout ce qu'il y a de bas au niveau de la planète. On lui donne un nom. Et ce nom Satan est un nom ésotérique qui le désigne depuis des millénaires. Lorsque j'emploie ce mot, ces énergies savent que je parle d'eux. Je ne parle pas du petit diable avec les cornes et la queue fourchue. Évidemment. Cette cochonnerie infantile est détruite par l'adulte à l'insu même de l'adulte. Dernièrement, lorsque j'étais au Pérou avec certaines personnes, il y a d'autres personnes ici du PMC4 et du PMC5 qui ont fait un travail en collaboration avec nous. On a une personne, elle n'est pas ici aujourd'hui, elle est présentement à Chicoutimi. Lorsqu'elle dormait, elle a eu un contact avec nous là-bas. Et elle a été chanceuse, cette personne, parce qu'elle avait un témoin, son ami, eux. Et lorsque toute la fenêtre, avec le cadrage d'aluminium, est sortie de ses gonds, les vis ont arraché et qu'elle a traversé la chambre, ben, il a su que certaines formes d'énergie existaient. Et lui, à ce niveau, sait qu'on ne peut rien lui faire. Alors, cette fenêtre a traversé la chambre pour frapper un mur et tomber à terre, et ça le finit là. L'intellect a essayé de dire que c'est parce qu'il ventait. Mais on sait que lorsqu'il vente, les fenêtres peuvent casser, mais elles n'arrachent pas sans briser. Alors, il a dû refaire un peu de ciment et replacer sa fenêtre. Je ne dis pas cela pour vous faire peur, je dis cela pour que vous preniez conscience que les mécanismes, même si on n'y croit pas, n'empêchent pas leur expression réelle dans le domaine expérientiel de l'homme. Je pourrais vous citer d'autres exemples de personnes qui sont en PMC6 qui vivent ce genre de mécanisme. Et ces personnes n'ont pas peur. Elles observent et elles rient. Mais chez eux, elles sont malades. Elles observent et elles rient. Elles attendent que ça va passer. Ça va passer. Moi, ce que je vous dis, c'est qu'on n'est pas obligé de passer par ce genre de processus initiatique. Un processus doux, lent, sécuritaire, mais qu'on peut aborder un autre processus. Un processus qui amène l'instantanéité d'une transformation et d'une mutation, mais qui oblige l'être humain à être préparé physiquement, vitalement, psychologiquement et mentalement, qui oblige l'être humain à réussir ou à disparaître. Ce processus, nous allons l'aborder en PMC. La souffrance chez l'homme, elle est due à un mécanisme de résistance. Et si on n'est pas capable, par une guérillera psychologique, d'aller directement attaquer ce processus même de résistance, on doit laisser la vie le faire. Plus cela avance, plus il y a d'hommes et de femmes qui se conscientisent dans le niveau spirituel, donc dans cette dualité expérientielle humaine, plus il y a d'êtres spirituels qui vont descendre aux enfers pour aller remplacer les parties que vous avez éliminées de cet enfer. Plus les forces du bien montent, plus les forces du mal montent. C'est une maxime de l'Antiquité. Et même si elle est antique, elle reste réelle. Je suis l'un des rares personnages à parler dans cette conscience nouvelle des forces luciférienne et sataniques. Mon travail ne s'adresse pas qu'à l'élite. Lorsque le travail s'adresse à une élite, on peut ne pas en parler. Les 5, 6, 7 personnes parmi 10 000 personnes qui font partie, les 5, 6, 7 personnes élites parmi les 10 000 personnes qui comprennent et qui suivent, malgré leur ignorance de ces forces, vont traverser. Après quelques mois ou quelques années de maladie, de charriage. Lorsqu'une personne a la parole et qu'elle ne peut pas se lever pour parler, c'est qu'il y a une partie, un enfer chez elle qu'elle ignore. Et cet enfer la travaille. Il s'auto-détruit en amenant une partie du corps avec lui. La psychologie s'identifiant tellement au corps physique que lorsque cette psychologie se doit de mourir parce qu'elle a trop accumulé de mémoire, ce qui à un moment donné freine l'expérience planétaire, parce qu'au lieu d'expérimenter le réel, elle expérimente que ce qu'elle a vécu, on doit tuer la psychologie. Et la psychologie meurt. Elle entraîne avec elle tout ce dans quoi elle s'identifie. Cette psychologie tue le corps physique. En puisant un degré extraordinaire d'énergie vitale, elle le fait vieillir et elle le tue. Dernièrement, je disais que je m'étais mis au monde. L'homme doit arriver à cette destruction totale de sa psychologie pour pouvoir se mettre au monde, de son vivant. Et si l'homme n'arrive pas à renaître, il ne peut traverser le nuage de ce que le Nazaréen appelait le ciel pour connaître les cieux, pour connaître la trilogie de l'esprit, c'est-à-dire pour connaître tout ce qui est extraterrestre, extraplanétaire dans l'expérience, pour premièrement connaître la mémoire astrale galactique, ce que l'homme nouveau appelle la conscience supramentale. Le point le plus important de ce que je veux vous faire comprendre aujourd'hui, c'est que vous devez travailler conjointement avec la forme, sans vous faire enguirlander par la forme, et vous devez travailler conjointement avec les parties de vos hautes sphères spirituelles, en même temps qu'avec vos parties basses. Lorsque l'homme essaie de ne pas penser à ses parties basses, et lorsque l'homme essaie de détruire ses parties hautes, ce n'est pas un travail de conscientisation. Évidemment, l'homme va aboutir à la conscientisation. Il n'a pas le choix. Le mécanisme principal de l'évolution de l'homme nouveau, ce n'est pas qu'il agit, c'est qu'il accomplit. Et lorsque l'homme accomplit, c'est qu'il termine quelque chose hors de sa volonté, comme cela se doit d'être fait. À un moment donné, vous aurez ce contact supramental et ce sera accompli. Vous ne pouvez pas prendre de décision. Et c'est pourquoi tout à l'heure, je vous parlais de ces fausses émotions qui vous font connaître une réalité totalement colorée parce que non intégrée par l'énergie mentale. Et lorsque l'homme prend une décision, il ne peut faire autrement que de se faire tromper. Lorsque vous accomplissez des choses, de quelle façon l'homme doit-il agir si l'homme ne doit pas prendre de décision? De quelle façon l'homme peut-il embarquer dans le chemin de l'accomplissement et non pas dans le chemin de l'agissement? Autrement dit, si vous voulez vous conscientiser, lâchez tout, ça ne sert à rien. Et si vous ne voulez pas, faites quelque chose, vous étirez le temps. On pourrait dire plus précisément que de toute manière, lorsque la brique aura tombé, elle tombera. C'est vrai. Et lorsque la brique aura tombé, c'est lorsque vous serez prêt à l'attirer. Et cela aussi, c'est vrai. Et vous ne pouvez pas travailler consciemment sur la préparation à l'attraction de la brique. Ça aussi, c'est vrai. Alors, est-ce qu'il y a quelque chose à faire? Oui. Ce dilemme fait en sorte que la majorité des conscientisants ne font rien et ne se conscientisent pas, tandis que l'autre partie court comme des fous et ne se conscientise pas plus. Lorsqu'on me demande « que dois-je faire? », je réponds « continue ». C'est évident. Il y a un travail que l'homme peut faire. Pourquoi ferions-nous des conférences s'il n'y aurait aucun travail? Il y a un travail. Lorsque moi, j'ai une décision importante à prendre, qu'est-ce que je fais? Y a-t-il un moyen, lorsque nous n'avons pas suffisamment de conscience, dans un instant donné, d'arriver à discerner le chemin d'intelligence des chemins absurdes de l'illusion? Est-ce qu'il y a un moyen de discerner là où nous devons passer? Lorsque nous parlons des séminaires ou des PMC et qu'une personne vient me dire « c'est un peu cher », nous répondons « quand ce sera le temps, tu auras l'argent ». Et là, ceux qui ne comprennent pas, ben, trouvent ça drôle un peu. C'est le mécanisme le plus fondamental de l'ajustement dans l'intelligence. C'est le mécanisme le plus fondamental de l'ajustement dans l'intelligence. À un moment donné, la personne vient, elle a l'argent, elle le donne, elle fait son séminaire, et on lui dit, bêtement, si tu n'es pas satisfait, on te rembourse. On n'a jamais remboursé. Parce qu'on n'a jamais eu personne qui a voulu se faire rembourser. On a même eu plus de personnes qui nous ont envoyé des enveloppes contenant de l'argent ou des chèques, parce qu'elles trouvaient qu'elles en avaient reçu plus que ce qu'elles avaient donné. Ce genre de mécanisme, nous recevons encore ce genre d'enveloppe. Ce genre de mécanisme nous assujettit à ces donneurs. « Si vous nous envoyez 100 $ et que nous prenons le 100 $, le 100 $, que nous le déchirons et que nous le mettons en poubelle, vous perdez 100 $. L'incognito, en ce qui concerne le centre ou en ce qui me concerne, ne vaut rien. Vous sentez que vous avez eu plus que ce que vous avez donné, venez nous le dire. Et on ajustera. Pas nécessairement en finance, surtout pas. Tu as eu plus que ce que tu as donné. C'est parce que tu as la possibilité de recevoir plus que ce que tu pensais pouvoir recevoir. Cela veut dire que si tu as reçu plus que ce que tu as donné, c'est que tu te croyais misérable et médiocre, et tu as découvert lors du cours ou du séminaire que tu étais plus haut que tu pensais l'être. La meilleure chose, c'est de venir nous voir, on va te botter le derrière et tu vas pouvoir rééquilibrer tes énergies. Lorsqu'une personne croit pouvoir comprendre la moitié de quelque chose et qu'à sa surprise, elle comprend le tout, on ne lui donne pas plus. Elle s'ouvre et elle est en affinité de recevoir plus. Ce n'est pas de ma faute, c'est de sa faute. Et c'est tant mieux. Travailler avec la forme, cela veut dire être capable de comprendre les mécanismes qui assujettissent l'homme et de comprendre les mécanismes qui désassujettissent l'homme. Cela veut dire être capable de travailler avec les forces de manipulation de la planète. Cela veut dire être capable de comprendre les mécanismes même de Noël et de voir le jeu de la manipulation extraordinaire qui est tendu comme un piège sur l'homme dans certaines de ces fêtes collectives planétaires. Lorsque, au Québec, on a de plus en plus de personnes qui commencent à s'ouvrir à cette conscience nouvelle, la plus grande partie de la résistance apposée par l'ego va être le refus d'arriver à croire, à accepter ou à comprendre que cette personne est de cette nouvelle race. Lorsque je me pose des questions et que je me réponds, j'hésite à m'accréditer parce que mon ego ne peut pas souffrir le fait qu'il a toujours eu avec lui ce qu'il a toujours cherché, quelque chose, un être plus puissant qui avait la connaissance. C'est déjà dur d'accepter que quelqu'un que vous connaissez puisse à un moment donné se contacter, se connecter. C'est encore plus difficile d'accepter qu'une partie de nous-mêmes le fasse. Le Québec est privilégié pour différentes raisons telluriques, le Québec ésotérique et non pas le Québec politique. Mais parmi les hommes du Québec, parmi les femmes du Québec, parmi les enfants du Québec, il y a aussi des êtres à qui on interdit de savoir qu'ils savent. Il y a des êtres qui ont la possibilité de savoir sans expérimenter. Certains vont le découvrir par la parole, d'autres par l'agissement, tous par l'accomplissement. On vous interdit de savoir que vous savez, pour des raisons tout à fait écologiques, que si cette possibilité pourrait être donnée à l'homme, la majorité des êtres de conscience collective pourraient s'imaginer eux aussi qu'ils savent. Et l'expérimentation planétaire au niveau de la conscience collective serait arrêtée, ce qui ne doit pas être. L'homme va s'en sortir clairement lorsque l'homme va être capable de descendre aux enfers en premier lieu et de monter au ciel en deuxième lieu pour ensuite détruire tout ce vestige archaïque de mécanismes d'évolution et enfin arriver à se libérer. Tandis que l'homme qui évolue dans une conscience spirituelle tout à fait adaptée à l'évolution de l'homme, s'évertue à faire comprendre à l'homme qu'il doit à un moment donné démolir les puissances spirituelles hautes, parce que les puissances spirituelles hautes n'existent pas. Imaginez-vous que lorsque vous constatez que ces puissances spirituelles n'existent pas, c'est parce qu'elles n'existent plus chez vous. Elles ont existé. Et lorsque vous concevez qu'elles n'existent pas, c'est parce que vous concevez qu'elles n'existent plus. Vous en êtes rendu ou vous en êtes rendu parce que ces consciences collectives ont existé et qu'elles ont su vous supporter jusqu'à un point où vous avez été capable de vous en séparer. L'homme commence toujours par démolir ce qu'il y a de facile chez lui. L'homme devrait commencer par prendre conscience des mécanismes faciles et d'en voir l'intelligence dans leur application. Se servir des mécanismes des hautes sphères spirituelles pour connaître les mécanismes des basses sphères spirituelles. Lorsque je dis qu'il n'y a pas un seul être intelligent, ou même un seul foutu dieu du plan astral, capable de faire souffrir un homme lorsqu'il le fait évoluer, cela est vrai. Alors pourquoi l'homme souffre-t-il lorsque l'homme évolue? Parce qu'il y a des parties de l'homme, et des parties expulsées de l'homme lorsque l'homme meurt, des parties planétaires de l'homme, des parties planétaires de la conscience amique de l'humanité, mortes. Parce qu'il y a des parties sataniques ou matérielles de l'homme qui, eux, ont pour fonction de survivre, comme tout ce qui est dans l'état de mémoire. La mémoire, elle n'a qu'une fonction, ne pas s'oublier. Alors, automatiquement, l'homme qui prend conscience de l'intelligence, de l'application des mécanismes des hautes sphères spirituelles, prend connaissance qu'il peut travailler enfin sur les maladies corporelles, surtout le charriage extérieur. L'homme est capable, à un moment donné, de faire en sorte que par le seul fait qu'il connaît quelqu'un, que tout ce qui est astral ne peut plus venir déranger cette personne. Et on ne doit pas travailler à un mécanisme de conscientisation pour arriver à protéger ce que l'on connaît. Lorsque l'homme arrive à se libérer totalement des mécanismes des sphères sataniques, il lui reste une confrontation avec Dieu. Mais sachez une chose, c'est que ce Dieu astral de l'antique religion n'a jamais réussi à faire autre chose qu'à contenir Satan. Tandis que l'homme conscientisé, l'homme nouveau, va détruire Satan. Dieu a besoin de l'homme, et l'homme a besoin de Dieu. Lorsque l'homme s'attaque à Dieu en premier, il laisse libre les choses qu'il ne pourra plus toucher. De quelle façon allez-vous à un moment donné pouvoir détruire le Satan en vous ou les parties matérielles de votre ego lorsque le corps physique aura été suffisamment puissant pour ne pas en mourir? Pourquoi disons-nous souvent que les personnes les plus bonnes, les plus gentilles, ceux qui ne mériteraient pas d'être malades, sont-ils les plus souvent malades tandis que les criminels ne le sont pas? C'est que dans la phase de la criminologie, dans tout ce qui apparemment est luciférien ou satanique dans l'expression de l'homme, il n'y a pas de lutte pour détruire les hautes phases spirituelles de l'homme. Et dans chaque homme, il y a du bon et du mauvais, sauf que dans certains hommes, le bon s'exprime, dans d'autres, le mal s'exprime. Lorsque les formes inénergisées de l'ego s'expriment, lorsque le mal s'exprime, on ne tend pas à détruire les formes spirituelles, donc il n'y a presque pas de maladie, presque pas de conflit chez ceux qui vivent dans cette expression. Lorsque la forme apparemment du bien, de la dualité psychologique s'exprime, automatiquement il y a le caractère d'évolution. Et lorsque cette énergie spirituelle arrive à permettre l'expression correcte d'un contact mental, le mental, par l'intermédiaire de ce nouveau contact avec l'énergie supramentale, va premièrement commencer à instruire l'ego. Et lorsque la plus haute sphère de votre ego, l'intellect, l'ajusteur psychologique, l'amalgame des énergies mentales et astrales hautement spirituelles, genre d'énergie qui ne peut pas être atteint par l'intelligence supramentale au niveau de l'éducation, va commencer un travail de détérioration de vos phases spirituelles. Il va travailler contre vous. Sachez ceci. Lorsque l'homme a un contact supramental, l'homme reste lui. L'homme dit « je suis ». Lorsque cet esprit dans l'homme, ce contact supramental, ce nouveau véhicule d'évolution de l'homme, observe ses phases inférieures, il va dire « il y a le mental ». Et le mental peut dire « oui, je suis ». Entre le contact mental et le contact supramental, il y a un phénomène qui vient, une espèce de coussin tampon qui vient ajuster, et ce mécanisme, c'est ce que nous appelons l'ajusteur de pensée. Il ajuste les mécanismes d'inter-échange énergétique au niveau du mental. Lorsque le mental communique avec l'ego, il ne peut le faire que par l'ajusteur psychologique, c'est-à-dire que par l'intellect. L'intellect est une forme extrêmement évoluée de la conscience spirituelle parce qu'elle peut entrer en contact avec le Dieu mental. L'intellect a pour fonction d'ajuster les énergies mentales de façon à plaire à l'ego. Chaque fois que votre ego n'arrive pas à comprendre ou à intégrer un mécanisme mental, l'intellect va le digérer pour que l'ego puisse l'accepter sans souffrance. Lorsque l'ego accepte des choses sans souffrance, il se croit dans la vérité. Alors automatiquement, il continue à exprimer cette vérité par l'intermédiaire du corps physique et du corps vital. L'intellect veut vivre. L'intellect se croit dans la sphère totale du mental. Assez que certaines personnes peuvent se dire, quelle différence y a-t-il entre le mental et l'intellect? C'est la même chose. Intellectualiser et mentaliser sont deux choses différentes. Lorsque l'intellect entre en mission de faire conscientiser l'ego, c'est lui qui va obliger l'homme à détruire sa haute phase spirituelle. Parce que l'intellect n'entre en contact qu'avec cette forme spirituelle. Et ce n'est pas votre intellect qui doit diriger votre conscientisation, vous allez vous faire fourrer. Lorsque vous comprenez l'intelligence d'une chose, ce n'est pas l'intellect. L'intellect ne comprend que l'intellectuance, c'est-à-dire la manière d'adapter une forme mentale à l'énergie de l'ego. Mentaliser, intellectualiser sont deux formes, deux choses différentes. Comprendre l'intelligence de la forme va vous amener à travailler conjointement avec la forme. Et nous allons parler de ce travail à la deuxième partie.